Chapitre 172e, Valmy. Et maintenant, pour un instant, détournons nos yeux de ces effroyables scènes de massacre et suivons dans les défilés de l'Argonne un des personnages de notre histoire sur lequel reposent en ce moment les destinées suprêmes de la France. On comprend qu'il est question de Dumouriez. Dumouriez, nous l'avons vu, avait, en quittant le ministère, repris son emploi de général en activité et lors de la fuite de Lafayette, il avait reçu le titre de commandant-chef de l'armée de l'Est. Ce fut une espèce de miracle d'intuition de la part des hommes qui occupaient le pouvoir que cette nomination de Dumouriez. Dumouriez était en effet détesté par les uns, méprisé par les autres. Mais plus heureux que l'avait été Danton au 2 septembre, il fut unanimement reconnu comme le seul homme qui put sauver la France. Les Girondins qui le nommaient haïssaient Dumouriez. Il l'avait fait entrer au ministère. Lui, on se le rappelle, les en avait fait sortir. Et cependant, ils allèrent le chercher, obscur, à l'armée du Nord, et le firent général en chef. Les Jacobins haïssaient et méprisaient Dumouriez. Ils comprirent néanmoins que la première ambition de cet homme, c'était la gloire, et qu'il vaincrait ou se ferait tuer. Robespierre, n'osant le soutenir à cause de sa mauvaise réputation, le fit soutenir par Couthon. Danton ne haïssait ni ne méprisait Dumouriez. C'était un de ces hommes au robuste tempérament qui jugent les choses de haut et qui s'inquiètent peu des réputations, tout près qu'ils sont à utiliser les vices eux-mêmes, s'ils peuvent obtenir des vices, les résultats qu'ils en attendent. Danton seulement, tout en sachant le parti qu'on pouvait tirer de Dumouriez, se défiait de sa stabilité. Il lui envoyait deux hommes. L'un était Fabre d'Églantine, c'est-à-dire sa pensée, l'autre Westermann, c'est-à-dire son bras. On mit toutes les forces de la France dans les mains de celui qu'on appelait un intrigant. Le vieux Luckner, soudard allemand, qui avait prouvé son incapacité au commencement de la campagne, fut envoyé à Châlons pour lever des recrues. Dion, brave soldat, général distingué, plus élevé que Dumouriez dans la hiérarchie militaire, reçut l'ordre de lui obéir. Kellermann aussi fut mis sous les ordres de cet homme, à qui la France éplorée remettait tout à coup son épée en disant « Je ne connais que toi qui puisses me défendre, défends-moi. » Kellermann gronda, sacra, pleura, mais obéit. Seulement, il obéit mal, et il lui fallut le bruit du canon pour en faire ce qu'il était réellement, un fils dévoué de la patrie. Maintenant, comme disent les souverains alliés, dont la marche était marquée par étapes jusqu'à Paris, s'arrêtait-il tout à coup après la prise de Longwy, après la reddition de Verdun? Un spectre était debout entre eux et Paris. Le spectre de Beaurepaire. Beaurepaire, ancien officier de carabiniers, avait formé et commandé le bataillon de Maine-et-Loire. Au moment où l'on apprit que l'ennemi avait posé le pied sur le sol de la France, lui et ses hommes traversèrent la France au pas de course de l'ouest à l'est. Ils rencontrèrent sur leur route un député patriote qui retournait dans le pays. « Que dirais-je de votre part à vos familles ?» demanda le député. « Que nous sommes morts !» répondit une voix. Nul spartiate, marchant aux Thermopyles, ne fit une plus sublime réponse. L'ennemi arriva devant Verdun, comme nous l'avons dit. C'était le 30 août 1792. Le 31, la ville était sommée de cendres. Beaurepaire et ses hommes, appuyés par Marceau, voulaient combattre jusqu'à la mort. Le conseil de défense, composé des membres de la municipalité et des principaux habitants de la ville qu'ils étaient adjoints, lui ordonna de se rendre. Beaupère sourit dédaigneusement. « J'ai fait le serment de mourir plutôt que de me rendre, dit-il. Survivez à votre honte et à votre déshonneur si vous le voulez. Moi, je reste fidèle à mon serment. Voici mon dernier mot, je meurs. » Ce spectre était aussi grand et plus terrible que le géant Adamastor. Puis les souverains alliés qui croyaient sur les dires des émigrés que la France allait voler au-devant d'eux voyaient bien autre chose encore. Ils voyaient cette terre de France, si féconde et si peuplée, changée comme par un coup de baguette. Les grains avaient disparu comme si une trombe les eût emportés. Ils s'en allaient à l'ouest. Le paysan armé était seul resté debout sur son sillon. Ceux qui avaient des fusils avaient pris leurs fusils, ceux qui n'avaient qu'une faux avaient pris leurs faux, ceux qui n'avaient qu'une fourche avaient pris une fourche. Enfin, le temps s'était déclaré pour nous. Une pluie acharnée mouillait les hommes, détrempait la terre, défonçait les chemins. Sans doute, cette pluie tombait pour les uns comme pour les autres, pour les Français comme pour les Prussiens. Seulement, tout venait en aide aux Français, tout était hostile aux Prussiens. Le paysan, qui n'avait pour l'ennemi que le fusil, la fourche ou la faux, pire que tout cela, que des raisins verts, le paysan avait pour ses compatriotes le verre de vin caché derrière les fagots, le verre de bière enterré dans un coin inconnu du cellier, la paille sèche répandue sur la terre, véritable lit du soldat. On avait cependant fait faute sur faute, Dumouriez tout le premier. Et dans ses mémoires, il raconte les unes comme les autres, les siennes comme celles de ses lieutenants. Il avait écrit à l'Assemblée nationale « Les défilés de l'Argonne sont les Thermopyles de la France. Mais soyez tranquilles, plus heureux que Léonidas, je n'y mourrai pas. » Et il avait mal fait garder les défilés de l'Argonne, et l'un d'eux avait été pris, et il avait été obligé de battre en retraite. Deux de ses lieutenants étaient égarés, perdus. Il était à peu près égaré et perdu lui-même, avec 15 000 hommes seulement, et 15 000 hommes si complètement démoralisés que deux fois ils prirent la fuite devant 1 500 hussards prussiens. Mais lui seul ne désespéra point, garda sa confiance et même sa gaieté, écrivant au ministre « Je réponds de tout ». Et, en effet, quoique poursuivi, tourné, coupé, il fit sa jonction avec les 10 000 hommes de Burnonville et les 15 000 hommes de Kellerman. Il rallia ses généraux perdus, et le 19 septembre, il se trouva au camp de Sainte-Menehou, étendant à droite et à gauche les deux mains sur 76 000 hommes, quand les Prussiens n'en avaient que 70 000. Il est vrai que souvent cette armée murmurait. Elle était parfois 2 ou 3 jours sans pain. Alors Dumouriez allait se mêler à ses soldats. « Mes amis, leur disait-il, le fameux maréchal de Saxe a fait un livre sur la guerre dans lequel il prétend qu'au moins une fois par semaine, il faut faire manquer la livraison du pain aux troupes pour les rendre, en cas de nécessité, moins sensibles à cette privation. Nous y voici. Vous êtes encore plus heureux que ces Prussiens que vous voyez devant vous, qui sont quelquefois 4 jours sans pain et qui mangent leurs chevaux morts. Vous avez du lard, du riz, de la farine. Faites des galettes, la liberté les assaisonnera. » Puis il y avait quelque chose de pire. C'était cette boue de Paris, cette écume du 2 septembre qu'on avait poussée aux armées après le massacre. Ils étaient venus, tous ces misérables, chantant le « Ça ira », criant que ni épaulette, ni croix de Saint-Louis, ni abbé brodé, ils ne souffriraient rien de tout cela, arracheraient décorations et plumets et mettraient tout à la raison. Ils arrivèrent ainsi au camp et furent étonnés du vide qui s'opéra autour d'eux. Personne ne daigna répondre soit à leurs menaces, soit à leurs avances. Seulement, le général annonça une revue pour le lendemain. Le lendemain, les nouveaux venus se trouvèrent, par une manœuvre inattendue, pris entre une cavalerie nombreuse et hostile, prête à les sabrer, et une artillerie menaçante, prête à les foudroyer. Alors Dumouriez s'avança vers ses hommes. Il formait 7 bataillons. « Vous autres, s'écria-t-il, car je ne veux vous appeler ni citoyens, ni soldats, ni mes enfants, vous voyez devant vous cette artillerie, derrière vous cette cavalerie. C'est vous dire que je vous tiens entre le fer et le feu. Vous vous êtes déshonorés par des crimes. Je ne souffre ici ni assassin ni bourreau. Je vous ferai hacher en pièces à la moindre mutinerie. Si vous vous corrigez, si vous vous conduisez comme cette brave armée dans laquelle vous avez l'honneur d'être admis, vous trouverez en moi un bon père. Je sais qu'il y a parmi vous des scélérats chargés de vous pousser au crime. Chassez-les vous-même ou dénoncez-les-moi. Je vous rends responsables les uns des autres. » Et non seulement ces hommes courbèrent la tête et devinrent d'excellents soldats, non seulement ils chassèrent les indignes, mais encore ils mirent en pièces ce misérable Charlot qui avait frappé la princesse de l'emballe d'une bûche et qui avait porté sa tête au bout d'une pique. Ce fut dans cette situation que l'on attendit Kellerman, sans lequel on ne pouvait rien risquer. Le 19, Dumouriez reçut l'avis que son lieutenant était à deux lieues de lui sur sa gauche. Dumouriez lui envoya sur le champ une instruction. Il l'invitait à venir occuper le lendemain le cantre d'Ampierre et l'Élise derrière l'Ove. L'emplacement était parfaitement désigné. En même temps qu'il envoyait cette instruction à Kellerman, Dumouriez voyait se dérouler devant lui l'armée prussienne sur les montagnes de la Lune, de sorte que les Prussiens se trouvaient entre Paris et lui, et par conséquent plus près de Paris que lui. Il y avait probabilité que les Prussiens venaient chercher une bataille. Dumouriez mandait donc à Kellerman de prendre son champ de combat sur les hauteurs de Valmy et de Gisaucourt. Kellerman confondit son camp avec son champ de combat. Il s'arrêta sur les hauteurs de Valmy. C'était une grande faute ou une terrible adresse. Placé comme il l'était, Kellerman ne pouvait se retourner qu'en faisant passer toute son armée sur un pont étroit. Il ne pouvait se replier sur la droite de Dumouriez qu'en traversant un marais où il se fût englouti. Il ne pouvait se replier sur sa gauche que par une vallée profonde où il eût été écrasé. Pas de retraite possible. Est-ce là ce qu'avait voulu le vieux soldat alsacien? Alors il avait grandement réussi. Un bel endroit pour vaincre ou mourir. Brunswick regardait le soldat avec étonnement. « Ceux qui se sont logés là, dit-il, au roi de Prusse, sont décidés à ne pas reculer. » Mais on laissa croire à l'armée prussienne que Dumouriez était coupé, et on lui assura que cette armée de tailleurs, de vagabonds et de savetiers, comme l'appelaient les émigrés, se disperserait au premier volet de son canon. On avait négligé de faire occuper les hauteurs de Gisaucourt par le général Chazot, qui était placé le long du grand chemin de Châlons, hauteur d'où il eut battu en flanc les colonnes ennemies. Les Prussiens profitèrent de la négligence et s'emparèrent de la position. Ce furent eux alors qui battirent en flanc le corps de Kellerman. Le jour se leva assombri par un épais brouillard, mais peu importait. Les Prussiens savaient où était l'armée française. Elle était sur les hauteurs de Valmy et ne pouvait être ailleurs. 60 bouches à feu s'allumèrent en même temps. Les artilleurs prussiens tirèrent au hasard, mais ils tiraient dans des masses. Peu importait donc de tirer juste. Les premiers coups furent terribles à supporter pour cette armée toute d'enthousiasme, qui eut admirablement su attaquer mais qui savait mal attendre. Puis le hasard, ce n'était point l'adresse, on n'y voyait pas. Le hasard fut d'abord contre nous. Les obus des Prussiens mirent le feu à deux caissons qui éclatèrent. Les conducteurs des chariots sautèrent à bas des chevaux pour se mettre à l'abri de l'explosion. On les prit pour des fuyards. Kellerman poussa son cheval vers cet endroit plein de confusion où se mêlaient le brouillard et la fumée. Tout à coup, on vit son cheval et lui rouler foudroyé. Le cheval était traversé par un boulet. L'homme, heureusement, n'avait rien. Il sauta sur notre cheval et rallia quelques bataillons qui se dépendaient. En ce moment, il était 11 heures du matin. Le brouillard commençait à se dissiper. Kellerman vit les Prussiens qui se formaient en trois colonnes pour venir attaquer le plateau de Valmy. À son tour, il forma ses soldats en trois colonnes et parcourant toute la ligne. « Soldats, pas un coup de fusil. Attendez l'ennemi corps à corps et recevez-le à la baïonnette. » Puis mettant son chapeau au bout de son sabre, « Vive la nation et allons vaincre pour elle !» À l'instant même, toute son armée imite son exemple. Chaque soldat met son chapeau au bout de sa baïonnette en criant « Vive la nation !» Le brouillard se lève, la fumée se dissipe, et Brunswick voit, avec sa lorgnette, un spectacle étrange, extraordinaire, inouï. 30 000 Français immobiles, tête nue, agitant leurs armes et ne répondant au feu de leurs ennemis que par le cri de « Vive la nation !» Brunswick secoua la tête. S'il eût été seul, l'armée prussienne n'eût pas fait un pas de plus. Mais le roi était là, qui voulait la bataille. Il fallut obéir. Les Prussiens montèrent, fermés sombres, sous les yeux du roi et de Brunswick. Ils franchissaient l'espace qui les séparait de leurs ennemis avec la solidité d'une vieille armée de Frédéric. Chaque homme semblait être attaché par un anneau de fer à celui qui le précédait. Tout à coup, par le milieu, l'immense serpent sembla se briser, mais ses tronçons se rejoignirent aussitôt. 5 minutes après, il était de nouveau brisé et se rejoignait encore. 20 pièces de canon de Dumouriez prenaient en flanc la colonne et l'écrasaient sous une pluie de fer. La tête ne pouvait monter, tirée qu'elle était à chaque instant en arrière par les convulsions du corps que déchirait la mitraille. Brunswick vit que c'était une journée perdue et fit sonner le rappel. Le roi ordonna de battre la charge, se mit à la tête de ses soldats et poussa sa docile et vaillante infanterie sous le double feu de Kellerman et de Dumouriez. Il se brisa contre les lignes françaises. Quelque chose de lumineux et de splendide planait sur cette jeune armée, c'était la foi. « Je n'ai pas vu de fanatiques pareils depuis les guerres de religion, » dit Brunswick. Ceux-là, c'étaient des fanatiques sublimes, les fanatiques de la liberté. Ils venaient, les héros de 92, de commencer cette grande conquête de la guerre qui devait se terminer par la conquête des esprits. Le 20 septembre, Dumouriez sauvait la France. Le lendemain, la Convention nationale émancipait l'Europe en proclamant la République.